que ça effraie, parce que quand on met sur la table, quand on dévoile tout ce qu'on est, évidemment, il y a du beau et pas mal de moins beau. Voix cherche l'immensité à Sentier Secret, mardi 9 décembre à 10h. Alors que l'ultime relation, c'est quand même une complicité où tout est dévoilé. Dans un rapide classé catastrophe. Bonjour à vous, chers amis, c'est Michel Monette au micro. Cette semaine encore, je vous transporte ailleurs dans le monde. Cette fois-ci, c'est en Corée du Sud. La Corée du Sud, ce n'est pas que le gang Nyam ou la K-pop, la pop coréenne inspirée par la musique pop américaine. J'espère que vous en sortirez convaincus à la fin de cette émission. Et on va débuter avec le chanteur Kang Sanek. Kang Sanek, c'est un artiste hors cadre dans le paysage musical coréen. Il est poète, compositeur, interprète, connu pour ses chansons aux paroles engagées. Il s'est imposé comme chanteur rock emblématique dans les années 90 en Corée du Sud. Kang Sanek délaisse l'écriture musicale conventionnelle pour composer ses morceaux spontanément à la guitare. Les sujets ordinaires du quotidien inspirent les paroles de ces morceaux, qui sont souvent des hymnes à la liberté et des critiques de la société contemporaine. Il intègre dans ses chansons des dialectes provinciaux, créant ainsi un style personnel et populaire. En 2011, il va fonder son propre label, Record Mat, Mat veut dire goût, afin de, pour composer sans contrainte, les chansons de l'album Kiss. C'est de cet album qu'on va écouter deux chansons. D'abord That Morning et puis Jab Jab. Petite anecdote en passant. Kiss se réfère à un tableau de Gustav Klimt. Gustav Klimt, c'est un peintre symboliste autrichien décédé en 1918. On écoute les deux chansons de l'album Kiss. Bye. Là, c'était Kang Sanet dans la chanson Jab Jab. C'était précédé de That Morning. Les deux sont tirés de l'album Kiss, un album qui vient de paraître. L'information que je vous donnais tantôt sur Kang Sanet est tirée d'une entrevue qu'il a donnée en français au Cahier de Séoul. C'est assez rare qu'on ait eu une aussi longue entrevue en français sur un chanteur sud-coréen. Je vais mettre le lien sur le blog de l'émission Les Oreilles Ailleurs, lesoreillesailleurs.net, plus tard dans la journée. Vous allez voir, c'est fort intéressant. On va poursuivre avec Saram 12 Saram. C'est comme ça que je le lis en français. C'est Saram 12 Saram, j'imagine. Enfin, peu importe. La chanson qu'on va écouter s'appelle Raindrop, Cloud, Typhoon and the Sun. C'est tiré de l'album du même nom. C'est une des pièces de cet album. Un album court, un album qui fait à peine 23 minutes, mais je suis bien d'accord avec l'article paru dans Korean Indie, une très belle source sur l'indie coréen en passant, Korean Indie. Je vais aussi la mettre sur le blog. La personne qui a écrit sur cet album a dit que ça fait à peine 23 minutes, mais on a l'impression que c'est le double du temps. Parce que c'est oui, c'est une très bonne instrumentation électronique, c'est des voix envoûtantes aussi, mais c'est quand même assez lent, mais c'est une belle démonstration de ce qui se fait de mieux en musique électronique qu'en Corée du Sud. On va écouter, vous pourrez porter jugement par vous-même, et peut-être ça va vous donner le goût d'écouter le reste de l'album. Raindrop, Cloud, Typhoon and the Sun. Oh, C'était Saram, S-A-R-A-M, 12 S-A-R-A-M, en un seul mot. Cherchez ça dans les internets et vous allez voir l'album Raindrop Cloud, Typhoon and the Sun, sorti en 2013. C'est très bon. Tout l'album est bon. Là, on va écouter un chanteur, quelqu'un qui était d'abord un chanteur solo, plutôt folk, de 2006 à 2013. Mais qui s'est adjoint à d'autres musiciens, c'est Dan Pyunsun, D-A-N-P-Y-U-N-S-U-U-N, et il est devenu Dai Pyunsun and the Sailors, le folk psychédélique, freak folk, rock avant-garde. C'est un peu comme ça qu'on qualifie sa musique. Les deux pièces qu'on va entendre sont tirées de l'album Animals. C'est un album sorti cette année en 2014. Un album que le groupe voulait aussi plaisant à écouter que la musique pop, mais tout en étant une création originale. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire de semaine en semaine. Je transporte d'un pays à l'autre. J'essaie de trouver des artistes qui... oui, sont agréables à écouter musicalement, qui ont quelque chose d'intéressant à dire et qui sont originaux. Et il y en a des artistes, des chanteurs, des chanteuses, des groupes en Corée du Sud qui sont originaux. Ils ne sont pas tous dans le même moule. Et Dan Pyunsun and the Sailors est un très bel exemple de ce type de chanteur, de groupe qui n'est pas dans un moule. On va les écouter dans Walk With Me, une pièce de 8 minutes 51, suivie de We Are, une autre pièce assez longue. On écoute ça. Go. 사람들이만 알고 습관처럼 손톱을 깨물다 이런 비가 나 버렸어요. 그래도 계속 걸어가요. 지금이 좋아요. 계속 걸어가요. 같이 걸어가요. 지금

le chemisier. En plus, je vous donne un jeans, une veste cintrée, la jupe, un cardigan, une écharpe en soie, les deux t-shirts, un col roulé, une ceinture, le pantalon et le petit top en lin super mignon. Ça va être tout? Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez-nous voir sur boutiquevoir.ca. Tinker, bam, bam, blow whistle, arms on me, man. Little different style, different fashion. Non? C'est KRL 89.1, Québec. Tell me, say one thing, Nancy, if you understand. One thing, Nancy, if you understand. Mommy, they matter about me, ambition. Say one make who they matter about me, ambition. Come and say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me where me get it from. Voilà, on est de retour. Vous êtes toujours sur CKRL 89.1 ici à Québec. J'en profite pour saluer les gens qui pourraient m'écouter d'ailleurs au Québec ou même, pourquoi pas, d'ailleurs dans le monde. Je sais que parfois on m'écoute depuis l'Europe. Bonjour, gens de l'Europe. Shi So Yin, connue sous le nom de scène Yoso, est née en 1981 à Séoul. C'est une chanteuse et actrice sud-coréenne. Je vous présente deux pièces de l'album My Instrumental. C'est son deuxième album. C'est un album qui, déjà dans sa courte carrière, semble marquer un tournant parce que dans son premier album, il était beaucoup plus pop, beaucoup plus proche du courant de pop coréenne. Et ici, on a une musique beaucoup plus éthérée, ma foi, fort agréable à écouter. Vous pourrez juger par vous-même. On va écouter Existence and Happiness dans un premier temps, et puis A Cat Named Na Young. Thank you. Thank you. 세워도 따뜻한 자동차 밑이라면 그보다 난 말이야 chanteuse Yozo, Y-O-Z-O-H, Yozo. Et on poursuit, c'est déjà le dernier quart d'heure de l'émission, on poursuit avec un groupe qui s'appelle Gounam, G-O-O-N-A-M, en fait, son véritable nom, parce que Gounam, c'est le nom américanisé, son véritable nom, c'est Gounam Gwa Yeo Reading Stella. Ce qui veut dire vieil homme et femme roulant dans une stella. Gounam a déjà d'abord été un duo, c'était le guitariste Joe Young et le bassiste M. Byung-kak. Puis, ils ont produit deux albums, dont le dernier s'appelle Wojong Motel en 2012. Ils se sont transformés en quatuor avec l'ajout de Kim Na-hoon au clavier et de Park Tae-sik à la batterie. Gounam combine des éléments de rock, de pop psychédélique, de soul, de blues et de reggae. Le groupe ne vise rien de moins que de percer à l'échelle internationale. C'est ce qu'ils ont dit récemment à la revue dont je vous parlais tantôt, au site, en fait, Korean Indie. Excellent site que je vous conseille fortement, Korean Indie. Cherchez ça dans les internets, vous allez le trouver facilement. On va écouter deux pièces, une première qui s'appelle Light of Dawn, et ça va être suivi de la pièce très longue, Problem. Okay. 내가 누워있다. 지금 이 여자는 그 이름도 기억이 나질 않는다. 아침의 곤란함이랄까. 서로가 어쩔 줄 모른다. 다시 밤이 온다면 우리에겐 아무런 문제도 없다. 남들아 애인들아 가지 마요 가지 마요 가지 마요 C'est sur cette très longue pièce Problem du groupe Goonam, G-O-O-N-A-M, que se terminent les oreilles ailleurs pour cette semaine. Je salue Laurent qui nous écoute depuis la Bretagne et je vous salue vous tous aussi, chers amis, qui nous écoutez chaque semaine à CKRL 89.1 Les Oreilles Ailleurs. Il y a Michel Bonaparte qui suit avec l'émission Topic du Capricorne et moi je vous dis au revoir. Et à la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.